Chapitre 4. Huit jours après l'enlèvement de Dolores Salcedo par le capitaine Horace, l'abbé Ledoux, alité, recevait la visite de son médecin. Le malade, couché dans un lit moelleux, au fond de l'alcôve d'un appartement confortable, avait toujours la figure grasse et fleurie. Son triple menton descendait jusqu'au col d'une fine chemise de toile de Hollande, et l'éclat pourpre du teint du saint homme contrastait avec la blancheur immaculée de son bonnet de coton, ceint à l'ancienne mode d'un ruban orange. Malgré ses apparences de jubilante santé, l'abbé, la tête appuyée sur son oreiller d'un air dolent, poussait de temps en temps des gémissements plaintifs, tandis que sa main, courte et douillette, était abandonnée à son médecin qui lui tâtait gravement le pouls. Le docteur Gasterini, tel était le nom du médecin, quoiqu'il eût 75 ans passés, n'en paraissait pas 60. D'une taille droite et élevée, sec et nerveux, le teint clair, les lèvres vermeilles, le docteur, lorsqu'il souriait de son air fin et goguenard, laissait apercevoir 32 dents d'une blancheur irréprochable et qui semblait réunir au poli de l'ivoire la dureté tranchante de l'acier. Une forêt de cheveux blancs, naturellement bouclés, encadrait l'aimable et spirituelle figure du docteur. Vêtu toujours de noir avec une certaine coquetterie, il était resté fidèle à la tradition de la culotte courte de drap de soie, aux souliers à boucles d'or et aux bas de soie qui dessinaient sa jambe nerveuse. Le docteur Gasterini tenait donc délicatement entre son pouce et son index, dont les ongles roses et polis eussent fait l'envie d'une jolie femme, le poignet de son client, qui attendait religieusement la décision de son médecin. « Mon cher abbé, dit le docteur, vous n'êtes point du tout malade. « Mais, docteur, vous avez la peau souple, fraîche et 65 pulsations à la minute. Il est impossible de se trouver dans des conditions de santé meilleures. Mais encore une fois, docteur, l'abbé, vous n'êtes pas malade. Je m'y connais peut-être. Et je vous dis, moi, docteur, que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Madame Ciboulet, ma gouvernante, a été constamment sur pied. Elle m'a donné plusieurs fois des gouttes des bonnes sœurs. Peste. De la fleur d'oranger distillée au Sacré-Cœur. « Diable !»« Oui, docteur, vous avez beau dire, et malheureusement ces remèdes ne m'ont apporté aucun soulagement. Je n'ai fait que me tourner et me retourner toute la nuit dans mon lit. Hélas, hélas, je ne me sens pas bien. J'éprouve une agitation, un malaise insupportable. Peut-être, mon cher abbé, avez-vous éprouvé hier soir quelques contrariétés, quelques contradictions, et comme vous êtes très entêté, très glorieux, très rancuneux, moi ?» « Vous, docteur, je vous assure, cette contrariété, dis-je, vous aura mis d'une humeur diabolique. Or, je ne connais aucun remède contre les dépires entrées. Quant à être malade, ou même indisposé, vous ne l'êtes pas le moins du monde, mon digne abbé. Mais alors, pourquoi vous aurais-je pris de venir me voir ce matin? Vous devez le savoir mieux que moi, mon cher abbé. Pourtant, je me doute du motif détourné qui vous a fait désirer ma venue. C'est un peu fort. » « Non, pas très fort, mon cher abbé, car nous sommes de vieilles connaissances, et je sais de vos tours. »« De mes tours, à moi ? » ?»« Vous en faites parfois d'excellents. » »« Mais pour en revenir à notre affaire, je crois, moi, que sous prétexte d'une maladie qui n'existe pas, vous m'avez fait demander, afin de savoir de moi, directement ou indirectement, quelque chose qui vous intéresse. »« Allons, docteur, c'est une mauvaise plaisanterie. » »« Tenez, mon cher abbé. » J'étais dans ma jeunesse médecin du duc d'Otrante quand il était ministre de police. Il jouissait, comme vous, d'une parfaite santé. Pourtant, il ne se passait presque pas le jour qu'il n'exigeât ma visite. J'étais naïf alors et, quoique bien lancé, j'avais encore besoin de protecteurs. Aussi, bien que mes visites à l'excellence de la police me parussent fort inutiles, je me rendais chaque jour assidûment chez lui, à l'heure de sa toilette, et nous causions. Monsieur le duc avait l'inconvénient d'être fort interrogeant, et comme par état je me trouvais en rapport avec des personnes de toutes conditions, cette excellence ingénue me faisait sur mes clients une foule de questions avec une bonhomie charmante. Moi, j'y répondais dans toute la sincérité de mon âme. Un jour, j'arrivais, comme je vous l'ai dit, chez le ministre, à la fin de sa toilette, au moment où un garçon perruquier, le drôle le plus malpropre que j'ai vu de ma vie, achevait de le raser. « Monsieur le duc, dis-je à son excellence lorsque le barbier fut parti, comment se fait-il qu'au lieu de vous faire raser par un de vos valets de chambre, vous préfériez les services d'affreux garçons barbiers dont je vous vois pour ainsi dire changer chaque quinzaine ? « Mon cher, me répondit le duc d'un ton confidentiel, vous n'imaginez pas ce que l'on apprend sur toutes sortes de gens et de choses lorsqu'on sait faire bavarder ces garçons-là. » Cet aveu était-il une distraction, une étourderie de ce grand homme de police, ou bien me croyait-il assez niais pour ne pas comprendre la portée de ses paroles? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que cet aveu m'éclaira sur le véritable but que se proposait son Excellence en me faisant ainsi bonnement causer tous les matins. Aussi, désormais, je répondis avec beaucoup de circonspection aux questions du fin ministre qui mettait si bien en pratique cette maxime transcendante « Les meilleurs espions sont ceux qu'ils sont sans le savoir. » L'anecdote est piquante, comme toutes celles que vous racontez si bien, mon cher docteur, répondit l'abbé. Mais je vous jure que votre allusion est complètement fausse et que, hélas, je suis bien malade. Encore une quarantaine d'années d'une maladie pareille, et vous deviendrez centenaire, mon cher abbé, dit le docteur en se levant et se préparant à sortir. Oh, quel homme, quel homme! S'écria l'abbé. Mais écoutez-moi donc, docteur. Vous êtes donc un cœur de bronze. On n'abandonne pas ainsi un pauvre malade. Accordez-moi 5 minutes. Soit, causons si vous le voulez, mon cher abbé. J'ai un quart d'heure à votre disposition. Vous êtes homme d'esprit. Je ne puis mieux employer la durée de cette visite. Ah, docteur, vous êtes féroce. Si vous voulez un médecin plus complaisant, adressez-vous à quelques-uns de mes confrères. Vous les trouverez fort empressés de donner leurs soins au célèbre prédicateur l'abbé Ledoux, le directeur le plus à la mode du faubourg Saint-Germain, car malgré la République ou à cause de la République, il y a plus que jamais un faubourg Saint-Germain, et sous tous les régimes possibles, c'est une fière protection que celle de l'abbé Ledoux. Non, docteur, non, je ne veux pas d'autre médecin que vous, terrible homme que vous êtes. Et voyez quelle est la confiance que vous m'inspirez. Il me semble que déjà votre seule présence me fait du bien, me calme. Ce pauvre cher abbé, quelle confiance, c'est touchant. Cela prouve bien qu'il n'y a que la foi qui sauve. Ne parlez pas de la foi, dit l'abbé avec un courroux plaisamment affecté. Taisez-vous, païen, matérialiste, athée, républicain, car vous l'êtes, vous l'avez toujours été, quand même. Oh, oh, l'abbé, voilà de bien gros mots. Vous les méritez, vilain homme. Vous serez damné, entendez-vous, archi-damné. Dieu le veuille, pour que nous nous retrouvions un jour, mon pauvre abbé. Moi, damné? Hé hé! Est-ce que je m'abandonne, moi, ainsi que vous, à la brutalité de tous mes appétits? Allez, vous n'êtes qu'un sardanapale. Flatteur, mais c'est votre manière. Vous reprochez un vil oblace les énormités dont il voudrait pouvoir encore se rendre coupable, et pourtant vous savez qu'il n'en est rien, mais c'est égal. Vos reproches le ravissent, le rendent tout gaillard. Alors il vous avoue délicieusement toutes sortes de péchés dont il est hélas incapable, le pauvre homme, et vous avez l'air de donner ainsi un dernier prétexte à sa défaillante fatuité. Fi, fi, docteur, le serpent n'avait pas plus de malignité que vous. À l'ambitieux décrépit, à l'homme d'État impuissant, vous reprochez non moins furieusement ses ténébreuses menées pour bouleverser le monde politique, l'Europe, peut-être. Aussi, avec quelle onction le pauvre homme savoure vos reproches. Tout le monde le fuyait comme une peste lorsqu'il ouvrait la bouche pour rabâcher sa politique. Pour lui donc, quelle bonne fortune de pouvoir vous dévoiler longuement ses projets machiavéliques à l'endroit des destinées de l'Europe, et de trouver ainsi un patient auditeur des insanités de sa vieillesse. Oui, oui, plaisantez, raillez, scélérat de docteur. Vous voulez vous étourdir en médisant des autres? Voyons, l'abbé. Faisons un examen de conscience. Nos rôles seront intervertis. C'est moi, le médecin du corps, qui vais vous demander, à vous, le médecin de l'âme, une consultation. Et vous en auriez fièrement besoin de cette consultation. Que me reprochez-vous, l'abbé? D'abord, vous êtes gourmand comme Vitellius, Lucullus, le prince de Soubise, Talleyrand, d'Aigrefeuille, Cambacérès et Brias Savarin, tous ensemble. Toujours flatteur. Vous me reprochez ma seule haute et grande qualité? Ah, ça, docteur, avec vos sornettes, me prenez-vous pour une huître? Vous prendre pour une huître? Voyez-vous le glorieux? Malheureusement, je ne puis faire cette comparaison si avantageuse pour vous, l'abbé. Ce serait une hérésie, un anachronisme. Les huîtres vertes, les autres ne sont point censées exister. Les huîtres, donc, ne donnent le droit de parler d'elles que vers la mi-novembre, et nous n'y sommes point. Ceci, docteur, peut être très spirituel, mais ne me convainc pas du tout que la gourmandise puisse jamais être ni chez vous, ni chez personne, une qualité. Je vous en convaincrai. Vous, moi, mon cher abbé. C'est un peu fort. Et comment ? Accordez-moi votre soirée du 20 novembre, et je vous prouverai que... » Mais s'interrompant, le docteur ajouta : « Ah ça, mon cher abbé, qu'avez-vous donc à regarder sans cesse du côté de cette porte ? » Le saint homme, pris ainsi à l'improviste, rougit jusqu'aux oreilles, car plusieurs fois il avait écouté le docteur avec distraction, en tournant les yeux du côté de la porte avec impatience, et comme si une personne attendue n'arrivait pas. Pourtant, ce premier mouvement de surprise passé, l'abbé ne se déconcerta pas et reprit : « De quelle porte voulez-vous donc parler, docteur ? Je ne sais ce que vous voulez dire. » « Je veux dire que vous regardez fréquemment de ce côté, comme si vous comptiez sur quelque heureuse apparition. » « Il n'y a que vous au monde, cher docteur, pour avoir des idées semblables. J'étais tout entier à votre sophistique mais spirituelle conversation. » « Ah, l'abbé, l'abbé, vous me comblez. Vous voulez en un mot, docteur, me prouver que la gourmandise est une passion noble, sublime, n'est-ce pas ? Sublime, l'abbé, c'est le mot. Sublime, sinon par elle-même, du moins par les conséquences qu'elle peut avoir, surtout dans l'intérêt de l'agriculture et du commerce. » « Allons, docteur, c'est un paradoxe. Cela se soutient comme autre chose. » « Ce n'est pas un paradoxe, c'est un fait, oui, un fait. Et s'il vous est positivement, mathématiquement, pratiquement, économiquement démontré, qu'aurez-vous à répondre ? Douterez-vous encore ? » « Je douterai, ou plutôt, je croirai moins que jamais cette abomination. » « Comment ? Malgré l'évidence, l'abbé ? » « À cause de l'évidence, si tant est que cette évidence puisse jamais exister. Car c'est justement au moyen de ces prétendues évidences, de ces perfides apparences, que le mauvais esprit nous tend les pièges les plus dangereux. Allons, l'abbé, que diable ! Je ne suis point un séminariste que vous préparez à prendre le rabat. Vous êtes un homme d'esprit et de savoir. Quand je vous parle raison, parlez-moi raison, et non pas du diable et de ses cornes. » « Mais païen, idolâtre que vous êtes, vous ignorez donc que la gourmandise est peut-être le plus abominable des sept péchés capitaux, hein ? D'abord, l'abbé, je vous prie de ne pas calomnier comme cela les sept péchés capitaux et d'en parler avec la déférence qu'il aurait dû dans beaucoup de cas. Je les ai toujours profondément vénérés en général et en particulier. » « Allons bien, ce n'est plus seulement la gourmandise qu'il glorifie, voilà maintenant qu'il pousse le paradoxe jusqu'à vouloir glorifier les sept péchés capitaux. » « Oui, cher abbé, tous les sept, à les considérer à un certain point de vue. C'est de la monomanie. » « Voulez-vous être convaincu, l'abbé ? » « De quoi ? » « De l'excellence possible, de l'existence conditionnelle, de l'excellence philosophique et mondaine des sept péchés capitaux. » « En vérité, docteur, vous me prenez pour un enfant. Donnez-moi votre soirée du 20 novembre, vous serez convaincu. » « Ah ça, docteur, toujours le 20 novembre ? C'est pour moi une date fatidique, et de plus, le jour anniversaire de ma naissance, mon cher abbé. Ainsi donc, donnez-moi votre soirée ce jour-là, et vous ne serez pas fâché d'être venu. » « Va donc pour le 20 novembre, si ma santé toutefois vous le permet. » « Bien entendu, mon cher abbé, mais mon expérience me dit que vous pourrez ce jour-là vous traîner jusque chez moi. » « Quel homme ! C'est qu'il est capable de me donner un échantillon complet dans sa seule et dernière personne des sept péchés capitaux. » À ce moment, une porte s'ouvrit. C'est sur cette porte que, plus d'une fois, les regards de l'abbé Ledoux s'étaient tournés avec une secrète et croissante impatience pendant son entretien avec le docteur.